And now for the first part of the scene in reception. À la réception. In reception at the Hôtel des Vosges. Bonsoir madame, monsieur. Bonsoir. Je crois que vous avez une chambre réservée pour monsieur Saville, n'est-ce pas? Monsieur Saville. S-A-V-I-2-L-E. Ah oui, monsieur. Non, non, pardon. Ce n'est pas monsieur Saville. C'est monsieur Wickham. Wickham. That's me. Wickham. Un instant. Et c'est... W-I... votre nom. How do you... Spell it. Oui. W-I-C-K... W-I-C-K... W-I-C-K... Oui. H-A-M. H-A-M. H-A-M. Wickham. C'est ça.